Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif « Les interviews d'Éric Cooper », j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Éric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation. Mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés. Et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. Aujourd'hui, l'acteur du podcast s'appelle Bantounani. Il vient nous présenter son nouvel album Cosmogonie. Alors Bantounani, il est né le 15 mars 76 à Kinshasa. Je vous dis ça, comme ça vous pouvez lui souhaiter un bon anniversaire, au mois de mars. Il est auteur, compositeur, interprète, producteur et réalisateur franco-congolais. Bantounani se définit comme un afropolitain qui parcourt le monde en quête de mélodie. En me rendant au lieu de l'interview, qui était situé pas loin du palais de justice à Bruxelles, j'étais dans le tram 92, et je me disais, tiens, comme il a étudié l'informatique, on va peut-être parler avec lui du système d'exploitation Linux. Mais en descendant du tram, j'ai totalement changé d'avis, et je me suis dit, on va plutôt parler de sa musique. Alors Bantounani, votre musique à vous, c'est un mix d'afro-funk, de jazz, de groove, de pop funky. C'est un peu un cauchemar hein, pour ceux qui collent des étiquettes. Est-ce que vous pouvez nous aider à définir un petit peu votre style ? Je crois que tu as bien commencé en parlant de Linux. Effectivement, je suis un informaticien de base, donc j'assemble des couches. La première couche étant le groove. À travers le groove, je vais mettre différents styles. Soul, funk, et surtout quand j'ai une écriture, je m'interroge souvent sur comment je vois mon personnage, car à chaque chanson, il y a un personnage. Quel était le déclic qui a fait qu'un jour, vous avez dit « moi, je veux chanter et faire de la musique ». Je ne pense pas qu'il y ait un déclic. Je crois qu'au fond, on devient ce qu'on est. Et je suis très Nietzschien et je suis devenu le musicien. Donc, j'ai été informaticien avec un parcours de juriste. Mais le fond de mon fort intérieur, ma volonté, peut-être inconsciente, ma cosmogonie était inscrite dans la musique. Votre famille, elle a dit quoi de cette envie de devenir artiste ? Est-ce qu'elle vous a dit « fais un vrai métier » ou bien elle a vraiment accepté ? Parce que peut-être vous venez d'une famille d'artistes. Non, loin de là. Mon père était ingénieur chez Canon, ma mère couturière, donc j'étais loin de... Mais encore une fois, comme tout Congolais, on baigne, on grandit dans la musique. La rumba est partout, le groove est partout, dans les mariages, dans les matangas, les fêtes de décès. Mais surtout, j'avais cette volonté d'être utile, de porter un message, de vouloir dire des choses. Vous êtes né à Kinshasa, mais vous vivez depuis longtemps en Europe et vous vous définissez comme afropolitain. C'est quoi un afropolitain ? Parce que ce n'est pas dans le dictionnaire, hein ? Pas encore. Donc effectivement, l'afropolitain, c'est ce qui fait aujourd'hui Eric Thomas se rencontre. C'est cette Afrique nouvelle qui voyage sans frontières et qui n'a pas le complexe et qui fait de l'histoire une force et non plus un défaut ou un traumatisme. Mais ça veut dire que vous mettez un peu sur le côté vos racines africaines ? Ah non, du tout, au contraire. Mon nom Bantounani me fait dire que je suis un vrai Africain puisque j'affirme le côté bantou, donc cette vieille civilisation bantou, mais il faut passer l'Afrique. Pour moi, parfois, je trouve que le mot Afrique est un peu connoté, donc il faut passer à l'afropolitanisme, une sorte d'Afrique panafricaine et qui serait juxtaposée à l'Europe en tant que partenaire. Alors l'Afrique, c'est votre source d'inspiration, hein, dites-vous, mais comment ce continent et toutes ces cultures, avec un S, vous inspirent ? Donc je ne suis pas inspiré par l'Afrique, je suis africain. Donc je me lève africain, je pense africain, mais je regarde aussi le monde comme une cosmogonie. Et ce titre cosmogonie est important parce que vraiment, je veux connecter l'Afrique au monde, je veux connecter ma musique au monde, casser les frontières, faire danser au nord, faire danser au sud. Et donc, cette Afrique-là, elle est dans mon sang. Au travers de vos musiques, vous avez un message à faire passer ? Si oui, lequel ? Alors, comme je le dis encore une fois, ce n'est pas une musique engagée, c'est une musique consciente. Quand je dis consciente, c'est-à-dire que mes textes doivent être utiles à soit aimer, soit faire penser. Mais je suis toujours un peu gêné de voir à quel point aujourd'hui on est un peu dans un système trop narcissique et que l'artiste ne parle plus assez du monde. Et pourtant, il y a à dire. Donc, quand je parle de cosmogonie, encore une fois, c'est pour dire il faut, on est parce que autrui, et sans autrui, je ne suis pas. Vous avez parlé de Rumba. Vous dites que c'est un système, un genre musical où les gens sont très tournés vers eux-mêmes. C'est pas comme ça que je le voyais. Vous pourriez réexpliquer peut-être ? La tendance, la nouvelle génération actuelle est parfois un peu trop moyéiste, un peu trop princesse et ne regarde pas réellement les problèmes de fond de la population congolaise. C'est vrai aussi que lorsqu'on est pauvre, on n'a pas toujours envie d'entendre qu'on est pauvre, on est pauvre. On a envie de rêver, de voir des belles voitures, de voir des images. Mais il ne faut pas en faire non plus un outil contre l'éducation. Moi, je veux une Afrique qui soit éduquée, une Afrique qui pense à venir. Est-ce qu'à force de vous mélanger à d'autres styles et à d'autres cultures, vous n'avez pas un peu peur de perdre votre particularité africaine ? Ma particularité, justement, c'est ce mélange. La nu rumba, en fait, c'est quoi exactement ? C'est pas possible de coller une étiquette hein, sur ce genre de musique. C'est impossible. Donc, encore une fois, pour éviter toute polémique, la nu rumba, je ne l'ai pas créée. C'est un journaliste qui a pensé que c'était la nu rumba. Mais en ce sens où c'était intéressant, c'est vrai que je voulais faire un lien entre la rumba classique de mon enfance et la musique groove que j'entendais, la funk, la soul. Donc, ce nu rumba, ça veut dire renouer avec la rumba. Ou du moins autour de la rumba. Là, on entend conscience, il y a quand même une guitare rumba qui traîne, il y a toujours quelque chose qui traîne. Mais c'était juste un clin d'œil à ma rumba pour dire je suis afropolitain, mais je suis ancré encore en Afrique. Vous parlez de musique que vous écoutiez pendant votre enfance. La musique que vous écoutez, c'est quoi ? J'ai toujours été un peu un jukebox, donc ça part du classique, Michael Jackson, Paul Simon, Bob Dylan, Michael Jackson, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, et beaucoup de musique arabe. Mais j'aime vraiment la musique dans sa diversité. Mais ceux que vous avez cités, c'est plutôt des anciens. Dans les modernes, on pense à certains Belges comme Angèle ou Stromae. Vous les écoutez, vous les aimez, vous les appréciez ou pas ? J'aime beaucoup Jacques Brel. J'adore Jacques Brel. C'est encore dans les anciens. Ça. Vous êtes un peu vieux jeu. Non. La musique ne vieillit pas, les chanteurs vieillissent, mais pas la musique. Il y a un journaliste, Bouziane Daoudi, qui a écrit dans Libération 2008 que vous aviez une volonté de ne pas faire danser idiot. Alors, votre musique, c'est une sorte de groove entêtant qui est mixé avec un texte qui est social et un soupçon de spiritualité. Alors, parlez-nous un peu, c'est quoi votre spiritualité ? On parle de Dieu dans la spiritualité ou pas du tout ? Mes doutes existentialistes m'ont fait aller vers Dieu. Cosmogonie, donc je dis bien dans cosmogonie, il y a autre chose que ce monde matériel et visible, il y a dans nous, dans nos êtres, je suis parce que tu es, c'est important pour moi, le moi ne peut être que parce qu'il y a autrui à côté de lui, et cette cosmogonie c'est une force, une énergie, à un moment où on vit une crise énergétique, il faut savoir que l'homme en lui-même possède cette source, cette énergie inépuisable qui serait la cosmogonie, et donc ce côté spirituel qu'on retrouve dans cosmogonie, qu'on retrouve dans tous mes albums, dans Nietzsche, c'est pas le dieu, c'est un dieu. Un dieu, un souffle, un sens et surtout une façon d'aimer autrui. En quoi, d'après vous, la musique est un vecteur d'émotion ? Dans le sens, musique jam, c'est-à-dire qu'elle nous rassemble. Nous rassembler, c'est quoi ? C'est on se voit, toi et moi, aujourd'hui encore à travers la musique. Donc c'est important que les musiciens aient à cœur de jouer, de nous les cigales, de porter ce message d'union, d'amour. Oui, ça fait un peu répétitif, mais c'est important. On vit une époque où la guerre nous guette avec des tragédies sans pareil. En 2013, certains clips de votre album intrigant ont été censurés sur YouTube. On parlait d'émotions. Quelles ont été les émotions qui vont se traverser quand on, en tant qu'artiste, on sait qu'on est censuré ? J'aime pas beaucoup en parler, mais parce que tu me poses la question, donc c'est vrai que j'ai vu 3 clips effectivement qui étaient un peu des chansons assez engagées là du coup, vraiment engagées, Colton Rush, Keith Houston ou Obama Forget Us, qui vraiment indiquaient je ne cherche pas le buzz à tout prix, ce que je veux c'est porter mon message, ma musique, et les gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui m'ont soutenu, parce qu'aujourd'hui j'étais comment dirais-je, porté par un groupe de fans qui m'ont toujours su me financer, me porter, mais je ne pouvais pas assister à la guerre du Congo, à la guerre du Kivu en 2009 et me taire. Un artiste ne peut pas se taire. Un artiste qui se tait est un artiste qui se travestit. Et donc, c'est vrai que de voir ces clips qui avaient atteint à l'époque 200 000 vues, censurés, supprimés, ça m'a choqué, mais je les ai remis et le combat continue. Oui, donc pour vous, c'est OK pour un artiste d'être engagé alors ? Je ne conçois pas qu'on puisse solliciter l'oreille d'un auditeur, d'une personne, et ne pas leur raconter une histoire consciente et engagée. Engagée ne veut pas dire prendre des armes, engagée veut dire voilà le monde que je vois, comment je le dépeins, mais surtout porter un message. Ce terme de porter un message, d'être consistant. Et c'est... L'Afrique va tellement mal qu'il faut que... Parfois l'artiste a souvent un rôle un peu plus politique même que l'homme politique. Donc il est important d'avoir une consistance. Cosmogonie, c'est votre nouvel album hein, qui est disponible chez tous les disquaires. Alors celui qui va acquérir cet album, quelle sonorité il va trouver dans celui-ci ? Alors Cosmogonie, c'est avant tout une collaboration très avancée avec des ingénieurs de son de Londres tels que Sophie Carmel, Samwet, James Sobater. Donc j'ai voulu prendre un groove qui fasse, la parfaite harmonie entre le groove électronique et le groove live. Bantou Nani, c'est avant tout, je suis musicien de live, moi. Donc, il y a un peu d'improvisation, mais j'avais besoin d'être quadrillé par des ingénieurs de son très pointus et surtout des faiseurs de tubes. Et donc, de parfois un peu canaliser ma folie de musicien de scène. Les chansons qu'on va retrouver dans cet album, c'est vous qui les avez écrites et composées, la musique aussi ? C'est tout un travail quand même. D'où sont venues les inspirations pour les chansons de cet album ? Ah Eric, c'est une grande question Eric. Est-ce que les chansons nous viennent ou alors nous ne sommes que des fruits des chansons ? Voilà, donc je suis... c'est vrai que ces 13 nouveaux titres ne sont pas tous nouveaux. Certains, je les porte depuis 15 ans. À chaque album, j'écris entre 20 et 40 chansons. Donc certaines restent pour d'autres et j'en récupère après. Mais je voulais surtout une sonorité qui soit très, très dance floor, très dansant. Et qu'on me sorte un peu l'étiquette du musicien intello. Est-ce que lorsqu'on sort un nouvel album, celui-ci c'est en fait la somme des expériences, puisque vous en avez sorti avant, est-ce que c'est la somme des expériences des albums anciens ? Alors il est vrai qu'on gagne en maturité, on gagne en expérience, on gagne en synthèse, on gagne aussi en résumé. On va plus souvent vers l'efficacité. Mais je veux, moi, chercher toujours la mélodie, une structure musicale qui soit vraiment une vraie chanson. Quand je dis chanson, c'est un couplet, un refrain, un bridge qui porte quelque chose, pas juste un boum boum, un kick. Donc le plus lent, c'est vraiment trouver cette structure, ce point d'inspiration. Et comme dirait, c'est-à-dire que dans la grammaire complexe de la création, la page blanche existe. Donc, dès l'instant où on a les pages qui se remplissent, je me veux honorer ce dieu de la création, Dionysos ou d'autres. Dans votre album, il y a une chanson qui s'appelle Francophonie. C'est une chanson engagée. C'est pour la francophonie des peuples et pas des intérêts économiques. Le message de cette chanson, c'est de dire quoi exactement ? C'est-à-dire, je m'interroge où est passée la francophonie ? Que reste-t-il de la francophonie ? Et donc, à travers cette question-là, c'est quel est l'espace de la France ? Quel est le rapport de la France et de ses colonies ? Cet espace qui aurait pu être un espace culturel, intellectuel, politique, culturel, intéressant, aujourd'hui, elle est dans la cacophonie. Et donc la francophonie, c'est il faut que la France, ou du moins les pays francophones, recréent un espace un peu à la manière d'un Commonwealth pour travailler ensemble, mais surtout les peuples, pas les intérêts économiques. Je suis, comment dirais-je, j'étais impressionné à travers la lettre française, qui est l'agence que j'avais créée à Kinshasa pour aider la jeunesse congolaise avoir accès à la francophonie. Il y a un désir de français, il y a un désir de culture française, mais parfois c'est un peu troublé par un comportement politique qui va à l'encontre de l'intérêt culturel. En francophonie, ben, on parle français et parfois certains pays francophones se sont mélangés, se sont heurtés et il y a eu des blessures. Est-ce que vous pensez mieux que la politique, que la musique pourra aider à fermer ces blessures ? Non seulement ces blessures, on doit les refermer, et quand je parle d'afropolitain, c'est vraiment ça, c'est passer le traumatisme de la colonisation, passer le traumatisme du passé. Il est temps que l'Africain se dise « je suis l'homme de demain, je suis l'avenir, je dois m'inscrire dans un monde ouvert, nomade, et devenir cet afropolitain, c'est-à-dire m'inscrire pleinement dans la ville cosmopolitaine et être un Africain sans... » C'est pour ça que j'ai souvent fui un peu la world music, parce qu'il y avait une vision un peu parfois minimaliste, voire pitié de l'Afrique. Donc c'est pour ça que d'emblée, avec le premier album, j'ai fui ces carcans-là. Alors pour clôturer l'émission, pour clôturer cette interview, vous pourriez dire et chanter « Et maintenant, que vais-je faire ?» Vos projets, c'est quoi ? Vous préparez déjà un nouvel album ? Vous préparez des concerts ? Dites-nous un petit peu. Alors là, Eric, je suis vraiment dans la promotion. Je fuis la plume, je fuis la solitude pour ne pas écrire. Donc on prépare la tournée Cosmogonie qui aura lieu, je pense, d'ici décembre à juillet 2023. Mais je fais le tour des capitales européennes pour promouvoir cet album que j'aimerais qu'il soit très entendu, car pour moi, c'est le meilleur Bantounani. Merci à vous, Bantounani, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc, le titre de votre nouvel album, c'est Cosmogonie. Et si vous voulez peut-être en savoir un peu plus hein, sur Bantounani, eh bien, il est sur Instagram, Bantounani Musique. Il est sur le web également, bantounani.com, Twitter, YouTube, Facebook, il vous accueillera. Donc, n'oubliez pas, hein, le 15 mars, c'est son anniversaire. N'oubliez pas de lui laisser un petit mot. L'album Cosmogonie, filez chez votre disquaire, l'acheter parce que moi, j'ai adoré. Et puis si vous avez envie de lui laisser un message ou à moi un message vocal, eh bien sachez que dans le lien donc, de ce podcast, dans l'explication du podcast, vous avez un petit lien. En cliquant dessus, vous pouvez laisser un petit message vocal. N'oubliez pas non plus bien sûr de partager ce podcast avec vos amis sur vos réseaux, de nous laisser un petit message écrit et de vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant de la diffusion du prochain podcast. Allez, sur ce, je vous quitte. Merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et bien sûr avec tous les autres. Et à une prochaine fois pour un nouvel épisode des interviews d'Éric Couper. Au revoir.